Oh, sûr qu'il fait en l'oshima. Et tout ça même si la pluie mouille moi. Ferme tes yeux doucement. Pense à ces années passées. Pense au temps où nous étions heureux, quand nous étions au lycée. Laisse-moi t'embrasser comme avant, regarder tes yeux d'enfant. Quelques larmes venaient lentement par les caresses du vent. Chaque fois, tu garderas toujours mon corps auprès de toi. Vivre avec toi, avec toi. Vivre pour toi. Nous ferons d'une nuit une éternité. Je passerai ma vie à t'aimer. Tu as vieilli en une nuit. Tu faisais peur à regarder. On aurait pu tout s'y passer. Quelqu'un a dû nous protéger. N'aie pas de honte à te farder. Les stars se font bien maquillées. Il faut que demain que tu sois belle. Qu'on les voit de très loin tes ailes. Parfum de cannelle, il faut que